Bonjour tout le monde, bienvenue sur FrenchPod pour cette nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Christella. Et je m'appelle Amaury. Bonjour à tous. Et cette semaine, on a une leçon avancée sur une fable de La Fontaine. Une leçon qui va nous faire extrêmement plaisir, puisqu'on a ce personnage énorme de la littérature française. Jean de La Fontaine. Ce poète, ce conteur. Et aujourd'hui, on va étudier une de ses fables, Le Corbeau et le Renard. Qui est une de tes préférées, je crois, Christella. Oui, c'est l'une de mes préférées. C'est la première que j'ai apprise de lui. Magnifique. Donc, sans plus attendre, nous allons écouter notre conteur du jour. Le Corbeau et le Renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et nous voici de retour. Et oui, et comme cette fable a été écrite au XVIIe siècle, certains des mots utilisés dans cette fable ne sont plus vraiment en usage de nos jours dans la langue française moderne. Oui. Donc aujourd'hui, on va reprendre les passages de cette fable un à un pour voir un petit peu ces mots qui sont plus forcément utilisés ou même les expressions les plus intéressantes. Donc on va reprendre les premiers vers. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Alors, nous voici avec les quatre premiers vers. Donc, on est en présence de deux animaux, un corbeau et un renard. Et on voit qu'ils sont tous les deux appelés maîtres. La Fontaine a voulu situer le cadre de cette fable comme s'il se trouvait dans un tribunal. Donc, c'est pour ça que les deux animaux s'appellent Maître Corbeau et Maître Renard. Puisqu'on verra que finalement, ce sont deux voleurs. Donc, Maître Corbeau est sur un arbre perché, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un arbre. On utilise le verbe perché. Pour dire se tenir dans un endroit élevé, par exemple sur une branche, un support. Et alors là, on a une première inversion, puisque normalement ça devrait être perché sur un arbre. Et pour des raisons stylistiques, le poète a préféré placer le mot perché à la fin. Et justement, deux vers plus tard, on a le même genre d'inversion, par l'odeur alléchée. Alléchée signifie être attiré par quelque chose d'appétissant. Et puis ensuite, on a un passé simple, lui tint, à peu près ce langage. Tint vient du verbe tenir. Donc c'est adressé ainsi. Et là, on a donc le renard qui parle au corbeau. Et il lui dit « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Voilà, donc on a un premier mot qui n'est plus tellement utilisé en français moderne, mais qui existe toujours, c'est le mot « ramage ». Qui désigne le chant des oiseaux des bois. Et un peu plus loin, on a plumage, qui signifie l'ensemble des plumes d'un oiseau. Et qui font ensemble une très belle rime. Voilà. Alors, le renard poursuit en disant « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Alors, le phénix, vous devez sans doute reconnaître, c'est cet oiseau mythique qui, après un siècle de vie, mourait consumé par le feu et renaissait de ses cendres. Et qui était donc unique en son genre. Voilà, et donc ici, le renard utilise le mot phénix pour flatter le corbeau et lui dire que lui aussi, il est unique, comparé aux hôtes de ces bois, aux habitants de cette forêt. Encore un peu plus de flatterie. Évidemment, alors le corbeau, il entend tout ça. Il ne se sent pas de joie. Ne pas se sentir de quelque chose, c'est perdre le contrôle de soi sous l'effet d'une émotion forte. Ici, cette émotion, c'est la joie. Ouais. Évidemment, après tant de flatterie. Cette expression est un peu désuète. Elle n'est plus en usage de nos jours. Elle est seulement restée en français moderne dans l'expression « tu ne te sens plus » qui veut dire « tu perds la tête, tu perds le contrôle de toi en fait ». D'accord. Et tout ça est bien marrant, bien sûr. Je viens d'avoir l'image d'un corbeau dans ma tête. Quand je vois un corbeau, mais qu'est-ce que c'est laid. Mais justement, le corbeau, il ne devait pas entendre ça tous les jours. Donc, tu imagines, Amaury, l'effet que ça lui a fait au pauvre petit corbeau d'entendre ça. C'est vrai. Donc, il y a cru et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Magnifique. Ici, pour désigner le fromage, le poète employait le mot proie. Alors, que fait le renard de cette proie? Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Alors ici, on a l'expression « aux dépens de », qui signifie « aux frais de », « au détriment de ». Au détriment des pauvres corbeaux, ici. Voilà. On pourrait croire qu'il n'y a pas de rime entre monsieur et flatteur, pour les deux premiers vers que tu viens de citer, ce qui est vrai dans le langage, dans le français actuel, mais en fait, à l'époque de La Fontaine, monsieur se prononçait monsieur. Donc, il rime bien avec flatteur. Ah, ça c'est intéressant, Amaury, je savais pas. Donc merci. Hein. Mais je ne suis pas si vieux que ça, hein. C'est pas moi qui... T'as fait des recherches, pas vrai ? J'ai fait des recherches. Menteur, t'as quel âge ? Et puis le résultat de tout ça, eh bien c'est que le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors ici, qu'on ne l'y prendrait plus, vient de l'expression « se laisser prendre à quelque chose », c'est-à-dire se laisser tromper, se faire avoir, mais il est un peu tard. Pour être confus, donc pour être gêné, embarrassé. C'est trop tard, la proie s'en est allée. Il a tout perdu. Voilà. Si nous réécoutions cette fable... Avec plaisir. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Eh bien mes amours, nous voici de retour. Avec Amaury qui fait des rimes. Bon, évidemment, ça ne vaut peut-être pas La Fontaine, mais je m'exerce. Courage, Amaury. Merci, Christella. En tout cas, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine. Moi aussi, oui. Et je suis vraiment contente qu'on ait l'occasion justement d'en parler sur FrenchPod et que vous ayez l'occasion de connaître ce poète pour ceux qui ne le connaissaient pas. Parce qu'en fait, ses fables sont construites de manière vraiment très intelligente. Il a utilisé et mis en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénoncer les problèmes de la société de son époque. Ouais, ça, c'est formidable ce qu'il a fait. Vraiment, et de cette manière, il a dépeint la société de son temps et ça lui a permis aussi, pour certaines de ses fables, de passer au travers des filets de la censure à l'époque. À l'époque où il a quand même joui d'une notoriété assez conséquente à la cour de Louis XIV. Il connaissait pas mal de succès dans les salons littéraires et il a même été élu à l'Académie française. Il était déjà vraiment populaire de son temps, de son vivant. Et ce qui est fantastique, c'est que ça a duré jusque maintenant en fait. Voilà, et ça continue encore. Les fables de La Fontaine sont vraiment entrées dans le patrimoine culturel français. Les enfants à l'école élémentaire doivent apprendre des fables de La Fontaine. Ouais. Ça fait vraiment partie également de la sagesse populaire en quelque sorte, puisque beaucoup de ses morales ont été retenues et font partie du vocabulaire de la vie tous les jours en France. C'est clair, beaucoup de morales, même des proverbes viennent des fables qu'il a écrites ou des contes qu'il a écrits. Mais Amaury, tu ne nous as pas dit quelle est ta fable préférée de Jean de La Fontaine ? Alors moi, c'est La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, pourquoi ? Ouais. Parce qu'elle me correspond assez bien en fait. T'es une cigale ou tu es une fourmi, Amaury ? Je suis à 100% la cigale. Je ne suis même pas étonnée. Et alors j'ai beau relire la fable, la relire, je comprends la morale. Mais tu veux toujours vivre comme une cigale. Toujours. Eh bien, on espère que cette leçon vous a plu. N'hésitez pas à venir sur frenchpod.com, laissez vos commentaires et on sera ravis d'y répondre. Ou bien si vous avez une fable préférée, c'est avec grand plaisir qu'on pourra en parler également. Donc sur ce... À bientôt tout le monde. Salut. Thank you.